بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثالث من تفسير سورة النبأ. Nous sommes donc au troisième cours dans l'exégèse de سورة النبأ. ورأينا في الدرسين الماضيين ذم الله المشركين إنكارهم للبعث. Et nous avons vu lors des deux cours précédents le fait que Allah a blâmé les polythéistes, le fait que Allah a blâmé les incroyants, leur rejet de la résurrection. ثم ذكر الله بعض الآيات الدالة على قدرته. Et ensuite, après cela, Allah a cité quelques versets montrant sa puissance. وقبل أن ننتقل إلى ما يلي أحب أن نعود إلى آيتين عظيمتين دالتين على قدرة الله تعالى. Et avant de passer au sujet suivant, je voudrais revenir sur deux versets. Deux versets grandioses qui montrent la puissance d'Allah, le Très-Haut. Ra'ayna qawla Allahi ta'ala wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Et nous avons certes vu la parole d'Allah, le Très-Haut. Wa ja'alna al-layla libasa. Et nous avons établi la nuit comme élément qui vous couvre et vous accorde de l'apaisement. Et nous avons établi la journée pour vos affaires mondaines. واستسلامه لربه وخالقه شاء أو أبى. Et cela, ô mes frères et sœurs, fait partie des plus grandes preuves montrant la puissance d'Allah et la faiblesse de l'être humain et sa soumission envers son Seigneur, son Créateur, qu'il le veuille ou non. Allah le Très-Haut, il dit dans Sourat Al-Qasas: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dit, voyez-vous si Allah assignait, si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection. Voyez-vous si Allah vous assignait la nuit en permanence jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce qu'il y a une autre divinité que Allah? Est-ce qu'il y a une divinité en dehors d'Allah pour vous ramener de la lumière? N'entendez-vous pas? Dis, voyez-vous, si Allah vous assignait le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection, il y a-t-il une divinité en dehors d'Allah pour vous ramener la nuit? Afin que vous y trouviez de l'apaisement. Ne voyez-vous donc pas? فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُنَبِّهُنَا عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ عَلَيْنَا أَن نَتَأَمَّلَهُ. Allah le Très-Haut, il attire notre attention vers un point important, essentiel, sur lequel nous devons méditer. لَوْ جَعَلَ اللَّهُ النَّهَارُ يستمر بنا إلى يوم القيامة هل هناك إله غير الله يأتينا بليل. Si Allah mettait la journée en permanence jusqu'au jour de la résurrection, il y aurait-il une autre divinité que lui pour ramener la nuit? Est-ce que Jésus, Isa, il a la capacité de nous ramener la nuit? هل الدول إن اجتمعت بأقوى رجال علميين هل يستطيعون تغيير شيء قدره الله علينا؟ Est-ce que si les États se réunissent tous avec leurs plus grands scientifiques, ont-ils la capacité de changer quelque chose que Allah a décrété pour nous? فهاتان الآياتان يراهما الجميع وذلك كل يوم ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Et donc ces deux signes, le jour et la nuit, tout le monde les voit tous les jours. Cependant, ce n'est pas la vue qui est aveugle, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles et qui ne peuvent plus reconnaître les signes évidents venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ba'da ma bayyana Allah ta'ala ba'd al-ayat ad-dalla 'ala qudratihi qala inna yawma al-fasl kana miqata يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ. Après que Allah le Très-Haut ait montré des signes apparents mettant en évidence sa puissance, il dit إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتَ. Certes, le jour du jugement a un moment précis. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ. Le jour où on soufflera dans la trompe et vous viendrez en troupe. فَيُخْبِرُ تَعَالَى بِمَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي كَذَّبَهُ الْكَافِرُونَ أَوْ كَذَّبَ بِهِ الْكَافِرُونَ. Allah le Très-Haut, il informe quant à ce qui se passe durant le jour de la résurrection. Ce jour que les incroyants ont renié et rejeté. Yurbiruhum anna hadha al-yawm lahu waqtun ma'lum. Allah, il leur informe que ce jour est déterminé et à un moment précis. Wa hadha al-waqt la ya'lamuhu illa Allah. Et certes, ce moment, il n'y a que Allah qui le connaît. La ya'lamuhu Isa wa la Muhammad alayhi as-salam wa la ahadun. Jésus, Isa, ainsi que le prophète Muhammad alayhi as-salat wa salam, tous les deux ne connaissent pas cet instant. Personne ne connaît le moment de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Mulk, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Et ils disent, à quand est cette promesse si vous êtes véridique? Vous voyez ici une question comme on l'a cité lors du premier cours, des questions pour rejeter la résurrection. Et donc ici, une question pour rejeter donc cette vérité. Ils disent, À quand viendra cette promesse si vous êtes véridique? Dis, certes, la science de cela est auprès d'Allah. Et moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Fal insan la yadri meta takunu as-sa'a bal huwa yajhalu meta yamutu huwa. Et donc, l'être humain ne connaît pas quand va arriver l'heure, c'est-à-dire la fin des temps. L'être humain ne connaît pas quand viendra l'heure. Mais plus que cela encore, il ne sait pas, il ignore quand il va mourir. Allah, il dit dans Surat Luqman, Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Certes, Allah, certes, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. La connaissance du moment, de l'heure, est auprès d'Allah. Il fait descendre la pluie. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne connaît ce qu'il va acquérir demain. Et personne ne sait dans quelle terre il va mourir. Certes, Allah est alim, omniscient, il connaît toutes choses. Khabir, celui qui connaît les choses les plus cachées. فَأَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعَ تُكِرُّ بِأَنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَتَى تَكُونُ السَّاعَةُ وَلَا تَعْلَمُ مَتَى تَمُوتُ فَمَاذَا تَنْتَظِرُ. Et donc toi qui écoutes, tu admets que tu ne connais pas quand viendra l'heure. De la même façon que tu admets que tu ne connais pas quand tu vas mourir, alors qu'est-ce que tu attends ? ماذا تنتظر حتى تستقيم وتترك معصية الله. Qu'est-ce que tu attends ? Quand vas-tu suivre la droiture et délaisser la désobéissance envers Allah ? أيها المفكر الذي يفكر في دخوله في الإسلام. ماذا تنتظر ? Oh, toi qui réfléchis. À rentrer dans la religion musulmane, qu'est-ce que tu attends ? Anta ta'rifu, anta la ta'rifu mata tamut, fala tu'akhiru ila ghadin, ma tastati'u fi'lahu al-yawm. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors, ne retarde pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Wa antum tulahidun ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, an Allah ta'ala samma hadha al-yawm yawm al-fasl. Et donc, vous remarquez, ô mes frères et sœurs, que Allah, il a appelé ce jour, le jour de la résurrection, il l'a appelé le jour de Al-Fasl, le jugement. Inna yawm al-fasli kana miqata. Certes, le jour de Al-Fasl, le jour du jugement, à un moment déterminé. Fayawm al-fasli, al-yawm al-ladhi yakdi, al-yawm al-ladhi yubda bayna al-ibad. Et donc le jour du jugement, ce sera le jour durant lequel il sera tranché d'entre les serviteurs et se distinguera ceux qui sont obéissants envers leur Seigneur et les désobéissants. Et donc préparez-vous pour ce jour et efforcez-vous afin que vous fassiez partie de ceux qui sont obéissants. Wahris ya Abdallah. Et donc, efforce-toi, ô serviteur d'Allah, à faire partie des croyants. Fafi hadha al-yawm yafsilu Allahu bayna ibadihi fayudkhilu al-mu'minina al-jannah wal-kafirina an-nar. En ce jour-là, Allah va trancher entre ses serviteurs. Il fera donc rentrer les croyants au paradis et les incroyants en enfer, dans le feu. وَلَا تَظُنَّ أَنَّ أَقَارِبَكَ يَنْفَعُونَكَ مِنْ شَيْءٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ. Et ne pense pas que tes proches, ils pourront être profitables en quoi que ce soit durant ce jour. Ne dis pas cela, ne pense pas cela. Mon père était pieux ou. Ne pense pas que cela te sera de quelconque utilité. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit dans son livre, لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Vos parents et vos enfants ne vous seront d'aucune utilité, d'aucun profit, d'aucun profit. Le jour de la résurrection, Allah vous séparera. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur. Allah voit clairement ce que vous faites. Et certes, Allah voit clairement ce que vous faites. فقال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Et donc Allah il dit, dans le sens rapproché des versets, certes, le jour du jugement a un moment déterminé. Le jour durant lequel on soufflera dans la trompe et vous viendrez en troupe. قالت العلماء إن الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. Les savants, ils ont dit que l'ange qui va souffler dans la trompe, c'est Israfil. Son nom, c'est Israfil. ثم اختلفت العلماء في عدد النفخات. Ensuite, les savants, ils ont divergé quant au nombre de souffles. فقال بعضهم إنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات. Certains, parmi les gens de science, ils ont dit que il sera soufflé dans la trompe trois fois. Qala bihi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa haythu qala inna al-Qur'an dhakara thalath nafakhat. Et donc parmi ceux qui ont opté pour cet avis, les trois souffles, il y a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme dans Majmou' al-Fatawa, lorsqu'il dit que le Coran a cité trois souffles, Nafrat al-Faza', et donc le souffle de la frayeur. Kama fi qawlillahi ta'ala, comme dans la parole d'Allah le Très-Haut, wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah. Et le jour où on soufflera dans la trompe, alors, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront pris de frayeur, seront effrayés, sauf ceux dont Allah a voulu faire exception. Wa kadhalika nafratu as-sa'q wa nafratu al-qiyam wa huma madhkuratan fi qawlillahi ta'ala wa nufikha fi as-sur fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Et ensuite le souffle du foudroiement, et après cela le souffle de la résurrection, et ces deux souffles là sont cités dans la parole d'Allah. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Et on soufflera dans la trompe, alors tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux que Allah a voulu faire exception d'eux. Puis on soufflera dans la trompe une autre fois, alors ils seront tous debout, c'est-à-dire vivant, à regarder. فَذَكَرَ هُنَا ثَلَثَ نَفَخَاتِ نَفْخَةَ الْفَزَعَ وَنَفْخَةَ السَّعْقِ وَنَفْخَةَ الْقِيَامِ. Et donc il a cité trois souffles, le souffle de la frayeur, le souffle du foudroiement et le souffle de la résurrection. وَهُوَ أَيْضًا اِخْتِيَارِ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِهِ. Et c'est aussi le choix du grand savant Ibn Kathir dans son tafsir. Il a aussi donc choisi qu'il y a en tout trois souffles dans la trompe. Wa zakara al-Baghawi fi tafsirihi qawlan thaniyan li ahli al-ilm wa huwa anna Israfil yanfukhu marratayn. Et donc al-Baghawi il a cité un deuxième avis des gens de science, et ce deuxième avis c'est le fait qu'ils disent que Israfil il va souffler deux fois dans la trompe. نفخة الفزع فجعلوا نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة. Et donc ces savants qui disent qu'il n'y a que deux souffles, en fait ils ont fait en sorte que le souffle de la frayeur, et le souffle du foudroiement ne font que un seul souffle. Ne font que un seul souffle. Wal ma'na anna Israfil yanfukhu fi s-sur fayakhafu man fi s-samawati wa man fi l-ard min hadha s-sawt wa yutawwil bihim fayakhafuna ila an yamutu. Et la signification de cela, en fait, c'est que Israfil, il va souffler dans la trompe. Et les gens vont être pris de frayeur. Les gens qui sont dans les cieux et sur la terre vont tous avoir peur. Excusez-moi, donc, les gens qui sont dans les cieux et sur la terre vont tous avoir peur de ce son qu'ils vont entendre. Et Israfil, il va souffler pendant longtemps. Ces gens vont donc être pris de frayeur jusqu'à ce qu'ils meurent de cela. Fal faza' was-sa'q fi nafratin wahida. Et donc à ce moment-là, la frayeur et le foudroiement sont dus à un même et unique souffle. Thumma nafratul qiyam. Et après cela, donc le souffle de la résurrection dans la trompe. Le souffle donc de la résurrection. Amma qawlullah ta'ala. Et en ce qui concerne le verset d'aujourd'hui, la parole d'Allah ta'ala, yawma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Le jour où on soufflera dans la trompe et vous viendrez en troupe. Fal muradu bin nafrati huna al-qiyam. Ce qui est voulu par le souffle ici, on soufflera dans la trompe. Ce qui est voulu par le souffle, c'est le souffle de la résurrection. Fal nasu ya'tuna fi hadha al-yawm afwaja. Et donc les gens, ils viendront en ce jour en troupe. Akhraj al-Bukhari fi sahihi kitab at-tafsir عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها. البخاري رحمه الله il cite dans son recueil As-Sahih le chapitre de At-Tafsir, l'exégèse, selon ibn Omar رضي الله عنهما qui dit: certes, les gens seront le jour de la résurrection en djuffa, c'est-à-dire en groupe, jama'at. Les gens seront, durant ce jour-là, en groupe. Chaque communauté suivra son prophète. Chaque communauté suivra son prophète. Wa fi hadha al-yawm ayyuha al-ikhwa yahsulu min al-umur al-mukhifa. Et donc, durant ce jour, ô mes frères et sœurs, il se passera des choses effrayantes. Wa an-nas yas'aluna al-anbiya. Les gens demanderont aux prophètes d'intercéder en leur faveur. Et cela à cause de l'extrême peur qu'ils ont de ce qu'ils voient. Mais que se passe-t-il durant ce jour? Que se passera-t-il durant ce jour? Et c'est de cela que nous allons parler durant donc le prochain cours demain, inshallah ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.